mystique. La mission de secrétariat à domicile pour Glion étant provisoirement stoppée, Faustine se remet en chasse. Elle aimerait trouver une place fixe avant de mettre un bébé en route. Cela lui donnerait quelques mois de répit. Elle s'imagine encore que son congé maternité sera pris en charge par son employeur, quelle que soit son ancienneté dans la boîte. Elle se berce d'illusions. Nous ne sommes pas en France, ici. Enfin, un matin, elle découvre une offre d'emploi qui pourrait convenir chez un décorateur d'intérieur. Il semblerait qu'on y dessine et fasse fabriquer des meubles et des accessoires de décoration. Faustine prend rendez-vous et rencontre Brigitte, la secrétaire de direction, déléguée par les patrons de cette toute petite structure pour la passer au grill. La nouvelle secrétaire est censée remplacer la patronne qui souhaite lever un peu le pied. Celle-ci fera de brèves apparitions, certes, mais la jeune femme devrait pouvoir se mettre en route tranquillement. Comme toujours chez ceux qui travaillent dans le bâtiment ou la décoration d'intérieur, le travail consiste en la frappe de soumission, devises et factures. Le souci, c'est que ces gens-là ne travaillent qu'avec des machines électriques sans ruban correcteur. C'est dire. Faustine demande à Brigitte si elle ne pourrait pas travailler chez elle ou encore apporter son ordinateur ici. Depuis plus de 10 ans qu'elle est informatisée, elle ne sait plus taper sur des machines normales. Hélas, les patrons sont relativement âgés et du genre frileux en ce qui concerne l'informatique. Ils ont trop peur de perdre le contrôle à cause d'un matériel qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils s'estiment incapables de comprendre. Ils n'en ont jamais voulu ici et ce n'est pas maintenant qu'ils vont commencer. C'est à prendre ou à laisser. Au final, Faustine est d'accord pour tenter le coup, mais elle reste sceptique. Commence alors un mois d'enfer. Contrairement à ce que Brigitte avait annoncé, la patronne ne quitte jamais les lieux. Elle surveille tout, voit tout, commente tout. La sentant à l'affût, Faustine cumule les erreurs. Elle n'a jamais supporté ce genre de pression. Quand on a l'habitude de l'ordinateur, c'est très dur de revenir en arrière. Se sentir observée en permanence n'offre pas un climat propice au réapprentissage de la machine électrique. Faustine a beau prolonger sa journée pour compenser son manque de rendement, rien n'y fait. Malgré l'achat de Tipex solide et liquide, ses performances sont lamentables. En désespoir de cause, on l'envoie promener le chien, ce qui lui permet de décompresser en fumant. Et le lendemain, tout recommence. La jeune femme a beau faire tous les efforts du monde, elle se retrouve systématiquement en situation d'échec. La patronne ne la quitte pas des yeux. Elle s'en ira quand Faustine sera au point, prétend-elle. Faustine, révoltée devant un tel gâchis, sachant à quel point elle pourrait être plus performante, supplie qu'on lui laisse enfin amener son propre matériel, qu'elle puisse montrer ce qu'elle sait faire. Mais non. Ces appareils maudits n'entreront pas dans cette maison. Point final. Brigitte, qui pourtant avait assuré à Faustine qu'elle la soutiendrait vis-à-vis des patrons en ce qui concerne l'informatique, ne pipe mot. Elle reste prudemment retranchée derrière son bureau, n'osant intervenir. Faustine se sent trahie. L'ambiance vire au noir déprime. Pourtant, bien consciente que l'envie les taraude, personne n'ose la mettre carrément dehors. Chacun attend un miracle. À la maison, Faustine se fait consoler par Gilles et Myriam. Mais cela ne suffit pas à la rassurer. Tant d'obscurantisme la rend malade. C'est non seulement stupide, mais aussi profondément injuste. Après tout, c'est son matériel qu'elle propose gratuitement. Elle ne leur demande pas d'acheter un nouvel ordinateur. Ils auraient tant à y gagner. 3 semaines se passent ainsi avec chaque jour sa dose de brimade et d'humiliation. Bien sûr, Faustine fait quelques progrès, mais c'est pas suffisant. Son rendement est encore bien inférieur à ce qu'on attend d'elle. Un jour, le patron intervient. « Ah, on peut dire que vous avez su vous vendre. Comment osez-vous prétendre à un tel niveau de compétence alors que vous êtes si médiocre ?» égructe le patron. « Vous ne valez certainement pas les 4 800 francs que vous revendiquez. » « Oui, c'est pathétique. Vous nous avez trompés sur la marchandise, » surenchérit sa femme. « Vous savez, » finit par répliquer Faustine, « puisque c'est tout le bien que vous pensez de moi, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Manifestement, ma bonne volonté ne vous donne pas satisfaction. Vous refusez de me donner la possibilité de travailler correctement avec mes propres outils. Il est inutile que je vous fasse perdre plus de temps. « Je suis d'accord, » confirme le patron, pendant que sa femme fait la grimace. « Dans ce cas, je termine le mois et je m'en vais. Est-ce que malgré tout, pour ces derniers jours, vous accepteriez que j'apporte mon ordinateur ?»« Bon, d'accord, qu'on en finisse. » Dès le lendemain, Faustine s'installe de très bonne heure avec son matériel. Enfin, elle a les coudes franches. Bien sûr, il faut un peu de temps pour rentrer toutes les informations dans la bécane. Madame s'énerve car elle ne voit pas de résultat immédiat. Elle finit par dire que c'était pas la peine de tout déménager pour si peu. Faustine, furieuse, sort fumer sa cigarette, oubliant le chien. Plus tard, quand son bourreau s'absente, elle se plaint amèrement auprès de Brigitte et lui reproche son silence. « Je m'attendais à plus de solidarité de votre part. Ce n'est pas ainsi que vous m'aviez présenté ce travail. »« Je suis tellement désolée, Faustine. Je pense qu'elle vous a pris en grippe dès le départ. Elle ne vous a laissé aucune chance. »« Mais qu'est-ce qui la rend aussi amère ?»« En fait, la pauvre femme a perdu son fils il y a 4 ans, mort d'un cancer à même pas 36 ans. Pendant cette terrible période, elle s'est tournée vers la religion. » « Bonne initiative, ça l'a aidé au moins ?»« Non. Hélas, dans sa grande détresse, elle s'est fait abuser par une secte qui a tenté d'en tirer le maximum. »« Financièrement ?»« Oui, ils ont failli perdre leur entreprise. » »« Et ça s'est terminé comment ?»« Elle s'en est sortie, mais complètement dépressive, et elle en veut à la terre entière. »« Dommage que vous ne me l'ayez pas dit dès le départ, j'aurais mieux compris pourquoi je ramassais toutes ces balles perdues. » J'avais promis de me taire. Mais là, c'est trop. La façon dont il vous traite est trop injuste. Faustine rentre chez elle en ruminant toutes ces informations. Elle en parle à Gilles et ils cherchent ensemble une éventuelle possibilité d'aider cette personne dans son désespoir. Encore une fois, les préceptes AA seraient idéaux. Sauf que, à leur connaissance, la pauvre femme n'est pas alcoolique. Et eux ne sont pas psychanalystes. Là, c'est entre Dieu et elle que ça se passe. Cette nuit-là, Faustine fait ce rêve étrange. Enclose à l'intérieur d'une bulle transparente, elle flotte dans la nuit sidérale. Tout est calme et serein. La plénitude est totale. Soudain, elle heurte une autre bulle, dans laquelle elle a juste le temps de reconnaître sa patronne. L'espace d'une nanoseconde, son âme fusionne avec celle de cette femme. Elle devient cette femme. Dans un ressenti d'une intensité extrême, elle perçoit sa tristesse, son désarroi, son incommensurable détresse. Jamais Faustine n'a éprouvé désespoir aussi immense, souffrance aussi profonde. Elle est marquée à jamais par cette rencontre mystique. Dans le même temps, elle éprouve une immense compassion pour cette âme éplorée. Tout son ressentiment a disparu. Malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière possible. On le lui a bien fait comprendre. Aussi, à la dernière heure du dernier jour, sur les amères paroles de la patronne, « Je ne comprends pas, ces 3 derniers jours, votre travail était parfait. Pourquoi ça a mis si longtemps ?» Faustine s'en va, sans répondre, ni se retourner. Après l'expérience de cette nuit, elle s'abstiendra de tout jugement. Il fait si beau. La soirée s'annonce belle et la vie lui sourit. Sitôt franchie la porte, les yeux tournés vers le ciel, la jeune femme adresse une prière muette au Créateur. « Tu peux l'aider, toi. Alors vas-y, fais ton boulot. Après tout, c'est toi le chef. »